libéré. Libéré par lui-même. Éternel. Présentant ce projet, je vous demandais d'oublier ce que vous êtes. Un instant d'optimisme, en évoquant mes bons sentiments et mes rêves périmés. J'y étais préparé en entrant ici. Vous voyez, messieurs, nous avons enfin été d'accord une fois. Je partirai au moins avec les cimes de mes adversaires. Liberté, liberté, liberté, liberté. Je vous demandais d'oublier ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes ? Thank you.